Chapitre 6e. Portrait de Richelieu et de Mazarin. Le cardinal de Richelieu avait de la naissance. Sa jeunesse jeta des étincelles de son mérite. Il se distingua en Sorbonne. On remarqua de fort bonne heure qu'il avait de la force et de la vivacité dans l'esprit. Il prenait d'ordinaire très bien son parti. Il était homme de parole où un grand intérêt ne l'obligeait pas au contraire, et en ce cas, il n'oubliait rien pour sauver les apparences de la bonne foi. Il n'était pas libéral, mais il donnait plus qu'il ne promettait et il assaisonnait admirablement les bienfaits. Il aimait la gloire beaucoup plus que la morale ne le permet, mais il faut avouer qu'il n'abusait qu'à proportion de son mérite, de la dispense qu'il avait prise sur ce point de l'excès de son ambition. Il n'avait ni l'esprit ni le cœur au-dessus des périls. Il n'avait ni l'un ni l'autre au-dessous. Et l'on peut dire qu'il en prévint davantage par sa sagacité qu'il n'en surmonta par sa fermeté. Il était bon ami. Il eût même souhaité d'être aimé du peuple. Mais quoiqu'il eût la civilité, l'extérieur et beaucoup d'autres parties propres à cet effet, il n'en eut jamais le je ne sais quoi, qui est encore, en cette matière, plus requis qu'en tout autre. Il anéantissait, par son pouvoir et son faste royal, la majesté personnelle du roi. Mais il remplissait avec tant de dignité les fonctions de la royauté qu'il fallait n'être pas du vulgaire pour ne pas confondre le bien et le mal en ce fait. Il distinguait, plus judicieusement comme du monde, entre le mal et le pis, entre le bien et le mieux, ce qui est une grande qualité pour un ministre. Il s'impatientait trop facilement dans les petites choses qui étaient préalables des grandes. Mais ce défaut qui vient de la sublimité de l'esprit est toujours joint à des lumières qui le suppléent. Il avait assez de religion pour ce monde. Il allait au bien, ou par inclination, ou par bon sens. Toutefois, que son intérêt ne le portait point au mal, qu'il connaissait parfaitement quand il le faisait. Il ne considérait l'État que pour sa vie, mais jamais ministre n'a eu plus d'application à faire croire qu'il en ménageait l'avenir. Enfin, il faut confesser que tous ses vices ont été de ceux que la grande fortune rend aisément illustres, parce qu'ils ont été de ceux qui ne peuvent avoir pour instrument que de grandes vertus. Vous jugez facilement qu'un homme qui a autant de grandes qualités et d'apparence de celle-là même qu'il n'avait pas, se conserve assez aisément dans le monde cette sorte de respect qui démêle le mépris d'avec la haine et qui, dans un état où il n'y a plus de loi, supplée au moins pour quelque temps à leurs défauts. Le cardinal Mazarin était d'un caractère tout contraire. Sa naissance était basse et son enfance honteuse. Au sortir du Colisée, il apprit à piper, ce qui lui attira des coups de bâton d'un orfèvre de Rome appelé Moretto. Il fut capitaine d'infanterie en Valteline, et Bagny, qui était son général, m'a dit qu'il ne passa dans la guerre, qu'il ne fut que de 3 mois, que pour un escroc. Il eut l'annonciature extraordinaire en France par la faveur du cardinal Antoine, qui ne s'acquérait pas en ce temps-là par de bons moyens. Il plut à Chavigny, par ses comtes libertins d'Italie, et par Chavigny à Richelieu qui le fit cardinal par le même esprit à ce que l'on a cru, qui obligea Auguste à laisser à Tibère la succession de l'Empire. La pourpre ne l'empêcha pas de demeurer balai sous Richelieu. La reine l'ayant choisi faute d'autre, ce qui est vrai, quoi qu'on en dise, il parut d'abord l'original de Trivellino Principe. La fortune l'ayant ébloui et tous les autres, il s'érigea et on l'érigea en Richelieu. Mais il n'en eut que l'impudence de l'imitation. Il se fit de la honte de tout ce que l'autre s'était fait de l'honneur. Il se moqua de la religion, il promit tout parce qu'il ne voulait rien tenir. Il ne fut ni doux ni cruel parce qu'il ne se ressouvenait ni des bienfaits ni des injures. Il s'aimait trop, ce qui est le naturel des âmes lâches. Il craignait trop peu, ce qui est le caractère de ceux qui n'ont pas de soin de leur réputation. Il prévoyait assez bien le mal parce qu'il avait souvent peur. Mais il n'y remédiait pas à proportion, parce qu'il n'avait pas tant de prudence que de peur. Il avait de l'esprit, de l'insinuation, de l'enjouement, des manières. Mais le vilain cœur paraissait toujours au travers, et au point que ses qualités eurent, dans l'adversité, tout l'air du ridicule et ne perdirent pas, dans la plus grande prospérité, celui de la fourberie. Il porta le filoutage dans le ministère, ce qui n'est jamais arrivé qu'à lui, et ce filoutage faisait que le ministère, même heureux et absolu, ne lui seyait pas bien, et que le mépris s'y glissa, qui est le mal le plus dangereux d'un état, et dont la contagion se répand le plus aisément et le plus promptement du chef dans les membres. Il n'est pas malaisé de concevoir par ce que je viens de vous dire, qu'il peut et qu'il doit y avoir beaucoup de contretemps fâcheux dans une administration qui suivait d'aussi près celle du cardinal de Richelieu et qui en était aussi différente.